le bûcheron et Mercure. Fable numéro 1 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le bûcheron et Mercure. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous. Cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais ni n'instruis, il ne tient pas à moi. C'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent. Je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie. Deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée. Il la chercha en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Oh, ma cognée! Oh, ma pauvre cognée! » s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi! Je tiendrai l'être encore un coup de toi! » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue, » lui dit ce dieu. « La connaîtrais-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » Leur une d'or à l'homme était montrée. Il répondit, « Je n'y demande rien. » Une d'argent succède à la première. Il la refuse. Enfin, une de bois. « Voilà, » dit-il, « la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. » « Tu les auras, » dit le dieu, « toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. » « En ce sens-là, je les prendrai, » dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée, et Bouquillon de perdre leur outil, et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux, il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela ? Jupiter n'est pas dupe. Fin de Le bûcheron et Mercure. Fable numéro 1 du livre 5e de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le pot de terre et le pot de fer. Fable numéro 2 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement est fait pour LibriVox.org par Jean Lambert. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu. Car il lui fallait si peu, que la moindre chose de son débris serait la cause. Ils n'en reviendront morceaux. « Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert. » Repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverez. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin-clopin, comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés, au moindre hoquet qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin de l'un de ces pots. Fin de la fable numéro 2, livre 5e des Fables de La Fontaine, Le pot de terre et le pot de fer. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le petit poisson et le pêcheur. Fable numéro 3 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, » dit l'homme en voyant son butin. « Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre carpillon lui dit en sa manière, « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. » Rien qui vaille, eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le pêcheur, vous irez dans la poêle et vous aurez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Fin de Le petit poisson et le pêcheur. Fable numéro 3 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Les oreilles du lièvre. Fable numéro 4 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les oreilles du lièvre. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent, daims et cerfs de climat changèrent. Chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur

La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là le Charybde en Scylla. Fin de La vieille et les deux servantes. Fable numéro 6 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le satyre et le passant. Fable numéro 7 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le satyre et le passant. Au fond d'un âtre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eut vus sur la mousse, lui, sa femme et mes petits. Ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu. Au brouet, on le convie. Il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le saumondre deux fois. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satyre s'en étonne. Notre hôte, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise aux dieux que je couche avec vous sous même toit, arrière ceux dont la bouche souffle le chaud et le froid. Fin de Le satyre et le passant, fable numéro 7, livre 5e, des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cheval et le loup. Fable numéro 8 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cheval et le loup. Un certain loup, dans la saison que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie. Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qui avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie. « Bonne chasse, » dit-il, « qu'il l'aurait à son croc. Et que n'es-tu mouton ? Car tu me serais hoc, au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Ruse donc. » Ainsi dit, il vient à pas compter, se dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prés, qu'il sait guérir, sans qu'il se flatte, toutes sortes de maux. Si Don Coursier voulait ne point sceller sa maladie, lui loup gratis le guérirait. Car le voir en cette prairie paître ainsi, sans être lié, témoignait quelque mal, selon la médecine. « J'ai, dit la bête chevaline, une imposthume sous le pied. » « Mon fils, dit le docteur, il n'est point de parti susceptible de tant de maux. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux. Et fait aussi la chirurgie. Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps afin de happer son malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade qui vous lui met en marmalade les mandibules et les dents. « C'est bien fait, » dit le loup en soi-même fort triste. « Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'herboriste ? Et ne fut jamais que bouché. » Fin de Le cheval et le loup, fable numéro 8, livre 5e, des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le laboureur et ses enfants. Fable numéro 9 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès que l'on aura fait loutre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Fin de Le laboureur et ses enfants, fable numéro 9 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. La montagne qui accouche. Fable numéro 10 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La montagne qui accouche. Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun, au bruit accourant, crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre. » C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Du vent. Fin de La montagne qui accouche. Fable numéro 10 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La fortune et le jeune enfant. Fable numéro 11 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La fortune et le jeune enfant. Sur le bord d'un puits très profond, dormait, étendu de son nom, un enfant alors dans ses classes. Tout est aux écoliers, couchettes et matelas. Un honnête homme, en pareil cas, aurait fait un saut de 20 brasses. Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement, lui disant « « Mon mignon, je vous sauve la vie. Soyez une autre fois plus sage, je vous prie. Si vous fussiez tombé, l'on s'en fût pris à moi. Cependant, c'était votre faute. Je vous demande en bonne foi si cette imprudence si haute provient de mon caprice. » Elle part à ces mots. « Pour moi, j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous la faisons de tous échos. Elle est prise à garant de toutes aventures. Est-on sot, étourdi, prend-on mal ses mesures? On pense en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort. » Fin de La fortune et le jeune enfant. Fable numéro 11, livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. les médecins. Fable numéro 12 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les médecins. Le médecin, tant pis, allait voir un malade que visitait aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait, quoique son camarade soutint que le gisant irait voir ses aïeux. Tous deux, s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature, après qu'en ses conseils, tant pis eût été cru. Il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait, « Il est mort, je l'avais bien prévu. »« S'il m'eût cru, » disait l'autre, « il serait plein de vie. » Fin de Les médecins. Fable numéro 12, livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La poule aux œufs d'or. Fable numéro 13 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Enregistrement fait pour LibriVox.org par Jean Lambert. La poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondit tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Fin de La poule aux œufs d'or, fable numéro 13, livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne portant des reliques. Fable numéro 14 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'âne portant des reliques. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit, « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. D'un magistère ignorant, c'est la robe qu'on salue. » Fin de L'âne portant des reliques. Fable numéro 14 de livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cerf et la vigne. Fable numéro 15 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cerf et la vigne. Un cerf, à la faveur d'une vigne fort haute, et telle qu'on en voit en certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé du trépas. Les vanneurs, pour ce coup, croyaient leur chien en faute, ils les rappellent donc. Le cerf, hors de danger, broute sa bienfaitrice. Ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger. Il vient mourir en ce lieu même. « J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment. Profitez-en, ingrat. » Il tombe en ce moment. La meute en fait curer. Il lui fut inutile de pleurer au veneur à sa mort arrivée. Vraie image de ceux qui profanent l'asile qui les a conservés. Fin de Le cerf et la vigne. Fable numéro 15, livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le serpent et la lime. Fable numéro 16 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le serpent et la lime. On compte qu'un serpent voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique et, cherchant à manger, n'y rencontra pour tout potage qu'une lime d'acier qu'il se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère, « Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi, petit serpent tête folle. Plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te romprais toutes les dents. Je ne crains que celle du temps. Ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui, n'étant bons à rien, cherchez surtout à mordre. Vous vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous des reins d'acier, de diamant. » Fin de Le serpent et la lime, fable numéro 16, livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le lièvre et la perdrix. Fable numéro 17 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lièvre et la perdrix. Il ne faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Celui, quand ses vers je propose, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, ce semble, assez tranquille. Quand une meute s'approchant, oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, met les chiens en défaut, sans même en accepter briffaut. Enfin, il se trahit lui-même, par les esprits sortant de son corps échauffé. Miro, sur le rôdeur ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême, il le pousse. Et Rusto, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir en son gîte. La perdrix le raille et lui dit, « Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds ?» Au moment qu'elle rit, son tour vient. On la trouve. Elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté sans l'autour au cerf cruel. Fin de Le lièvre et la perdrix. Fable numéro 17 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'aigle et le hibou. Fable numéro 18 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'aigle et le hibou. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, qu'ils ne se goberaient leurs petits peu ni prou. Connaissez-vous les miens? Dit l'oiseau de Minerve. Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains qu'en ce cas pour leur peau. C'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez qui ni quoi. Roi et Dieu mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu, mes nourrissons, si vous les rencontrez. peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez, je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit. Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier. Retenez-la si bien que chez moi la maudite parque n'entre point par votre moyen. Il avint qu'au hibou Dieu donna géniture, de façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure dans les coins d'une roche dure ou dans les trous d'une massure, je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux. Rechigné, un air triste, une voix de mégère. Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle, à notre ami. Croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi. Ses repas ne sont point repas à la légère. Le hibou de retour ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons, hélas, pour toute chose. Il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors, « N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi qui veut qu'on trouve son semblable beau, bien fait et surtout aimable. » Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait. En avait-il le moindre trait? Fin de L'aigle et le hibou. Fable numéro 18 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le lion s'en allant en guerre. Fable numéro 19, livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le lion s'en allant en guerre. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques. Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. « Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à des terreurs paniques. « Point du tout, dit le roi, je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. » Le monarque, prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Fin de Le lion s'en allant en guerre, fable numéro 19, livre 5e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'ours et les deux compagnons. Fable numéro 20 du livre 5e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons, pressés d'argent, à leur voisin fourreur, vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ses gens. Le marchand, sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. Dédenaud prisait moins ses moutons que leur ours, leur et à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête. Trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot.